Alors, je m'appelle Sophie, j'ai 43 ans aujourd'hui et je me trouvais sur la terrasse du Bataclan le soir du 13 novembre, seule, où j'étais venue pour finir un peu de boulot que j'avais, parce que j'aime bien travailler dans les lieux publics, entourée d'animation, de légèreté, voilà, ça m'aide assez bizarrement à me concentrer, voilà. Et j'ai vu arriver, enfin non, je ne les ai pas vus arriver d'ailleurs, c'est pas vrai du tout. J'ai juste entendu une première grosse déflagration, puisqu'ils ont tiré sur les gens de la terrasse avant de rentrer dans la salle de concert. Et je me suis réfugiée instinctivement sous ma petite table de bistrot, et de là j'ai vu des gens à terre, et un des tireurs avec son arme et sa gueule d'ange, qui avait l'air tellement gentil, t'es tellement beau, tellement jeune, souriant, calme, comme s'il allait acheter des cigarettes. Sauf qu'il venait commettre le massacre que l'on connaît, voilà. Et moi, j'ai eu le réflexe de me cacher à l'intérieur du café, d'où j'ai entendu tous les tirs dans la salle. J'y suis restée environ une demi-heure, le temps que je comprenne que les premiers policiers étaient arrivés sur place et demander aux personnes blessées à l'intérieur du café de sortir, d'évacuer les lieux. Mais bon, voilà, j'ai profité de cette arrivée-là pour sortir la tête du placard dans lequel je m'étais cachée et partir en courant chez moi, à deux pas du Bataclan, qui explique aussi pourquoi j'étais là ce soir-là, parce que j'habite à côté, et voilà, ça fait partie des cafés dans lesquels je vais de temps en temps. Je pense que je vais moins bien qu'au début, parce que j'ai eu la chance de m'en sortir sans blessure, un peu égratignée vraiment physiquement, parce que je suis tombée, j'avais des bosses que je m'expliquais pas, j'ai pas compris trop ce qui se passait sur ce coup-là, mais à part ça, voilà, rien. Et donc, quand on réalise qu'on s'en est sorti aussi bien, bah, y a une première période de grâce ou de légèreté, de se dire, bah voilà, j'ai plus qu'à vivre à fond maintenant, et tout ira bien. Il y a une espèce de superstition positive qui dit, bon bah j'en suis ressortie, ça ne m'arrivera plus, voilà, la probabilité que ça revienne. Donc j'étais plutôt portée au début par cette adrénaline finalement qui est restée en moi très longtemps. Il y avait beaucoup d'angoisse, dès qu'il y avait le moindre bruit dans la rue je sursautais, donc c'était difficile, mais ça a été un apprentissage, voilà, de ça, habitué à ça. Et en fait aujourd'hui, 5 ans après ou 4 ans après, c'est toujours là, donc c'est ça qui fait que c'est difficile à gérer, parce que je pense que je me suis mis une pression monumentale de faire quelque chose de cette chance que j'avais eue, et en tirer un bilan positif est difficile aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais de plus? Est-ce que je suis vraiment à la hauteur de cette chance que j'ai? Il y a beaucoup de culpabilité d'être vivant. Voilà. J'ai été aidée au tout début par une thérapeute du quartier qui avait été touchée par ce qui s'était passé, qui m'a prise en charge sans me faire payer quoi que ce soit, parce qu'à l'époque, on n'était pas encore conscient de toutes les aides dont pourraient bénéficier les victimes. Et puis j'ai reçu par la Sécurité sociale cette information comme quoi tous mes frais de santé, accompagnement psychologique seraient pris en charge. Donc je suis allée voir un psychiatre, mais je n'ai pas rencontré une personne qui, voilà, avec laquelle je me suis sentie à l'aise. Et puis j'ai toujours du mal à accepter le fait que j'aille pas bien à cause de cet événement. Donc je ne fais pas grand-chose en fait. Je ne suis pas accompagnée aujourd'hui. Je me suis demandé aussi s'il fallait que je fasse des démarches pour être indemnisée. Alors j'ai collecté des témoignages nécessaires pour monter mon dossier, parce que rien ne prouvait que j'étais sur place ce soir-là. Donc voilà, j'ai retrouvé un serveur qui était présent ce soir-là et qui m'a fait un témoignage écrit attestant de ma présence sur les lieux. Mais je ne suis pas allée au bout de la démarche, parce que je ne me sentais pas légitime à réclamer une quelconque indemnisation, vu que ça n'avait pas eu de répercussions. Je n'ai pas perdu mon boulot, j'ai continué à bosser, je n'ai pas été blessée. Et puis bon, bah, j'avais un peu peur, mais comme d'autres pouvaient avoir peur, et il fallait bien que j'apprenne à me débrouiller toute seule par rapport à ça. Voilà. Et c'est aussi pour ça que moi, je n'ai pas fait ces démarches-là, parce que j'estimais que l'argent qui était disponible au fonds d'indemnisation des victimes serait plus utile à d'autres personnes, puisque les événements se sont enchaînés par la suite. Il y a eu d'autres attentats, des orphelins, des gamins qu'il fallait aider avant d'aider moi, qui restais entourée de ma famille. Alors justement, votre entourage, comment ça s'est passé avec votre entourage? Vous étiez seule ce soir-là à la terrasse du Bataclan, vous rentrez chez vous? Alors j'avais pu prévenir mon conjoint qu'il se passait quelque chose dans le café où je me trouvais. Il ne savait pas précisément que j'étais sur la terrasse du Bataclan. Et lui était à la maison, il gardait nos deux enfants qui avaient 4 et 6 ans à l'époque. Je l'ai prévenu, je l'ai appelé froidement en lui disant je suis au Bataclan et il y a des types qui tirent sur tout le monde, appelle la police. J'avais essayé moi-même d'appeler les secours et j'arrivais pas à les joindre, c'était déjà saturé. Donc il a pris acte, il a réussi à avoir la police qui lui ont transmis un conseil qui m'a été d'une grande aide sur place, c'était de rester le plus près possible du sol, de me recroqueviller, et de surtout pas bouger d'où j'étais finalement. Donc ça m'a aidé d'avoir cette aide extérieure. Et puis lui a prévenu un de ses amis, son réflexe était de venir sur place pour m'aider. Il avait déjà eu le même réflexe le jour des attentats de Charlie Hebdo, parce qu'on habite donc pas très loin non plus, et c'était un mercredi, Charlie, et les enfants sortaient de l'école à cette heure-ci avec notre babysitter, et il avait eu le réflexe d'aller sur place aussi pour les aider au cas où ils avaient été en danger. Il a eu le même réflexe, donc il voulait absolument sortir de la maison, il attendait un de ses amis, et en fait je suis rentrée avant lui et il m'a accueillie complètement incrédule sur le pas de la porte. Il pensait pas me revoir en fait, parce qu'on s'est rappelé plusieurs fois et je l'ai appelé, la dernière fois je l'ai appelé, je lui ai dit écoute, ils reviennent, au revoir, quoi. Enfin, et je l'ai laissé comme ça et il ne savait pas si j'allais revenir. Donc je pense que ça a été plus dur pour lui que pour moi, en fait, parce que lui était impuissant. Moi, je pouvais agir. Au moins, j'étais maître de quelque part de mon sort, parce que lui a subi la situation. Alors, avec les enfants, on a eu à peu près tout faux. Ils étaient quand même petits à l'époque, 4 et 6 ans. On ne leur en a pas parlé immédiatement après, enfin le lendemain. Mais ils nous ont entendu en parler au téléphone avec nos proches et on s'est rendu compte, en fait, une fois qu'ils sont retournés à l'école le lundi d'après, qu'ils savaient absolument tout ce qui s'était passé puisqu'ils en avaient parlé à leurs enseignants, à qui nous, on avait choisi de rien dire non plus pour pas nous mettre particulièrement de l'avant. Donc on leur a réexpliqué précisément les choses. Mais on ne les a pas amenés devant le lieu. On en reparle très rarement, en fait. C'est encore un sujet un peu tabou. Et avec mon conjoint, c'est pareil. On n'en parle plus du tout. Puis, il y a de la culpabilité par rapport aux personnes qui sont décédées, ceux qui ont perdu quelqu'un de proche. M'apitoyer, là, sur mon triste sort, ça me paraît un peu indécent vis-à-vis de leur douleur à eux, de leur perte à eux. Il y a leur douleur à eux, mais il y a la vôtre. Et pourquoi avez-vous le sentiment que la vôtre est moins importante que la leur ? J'en sais rien. Je sais pas. Je n'ai pas de réponse à cette question. Alors après, j'ai toujours eu du mal à faire la part des choses. C'est un événement qui est arrivé dans ma vie. J'avais 39 ans ce soir-là. J'arrive à un âge de la vie où on se remet forcément en question aussi. Est-ce qu'on vit la vie qu'on a vraiment voulu ? Est-ce qu'il n'est pas temps de faire les choses qu'on avait toujours voulu ? Et toutes ces questions qui sont arrivées, je n'ai jamais su si elles arrivaient parce que j'avais bêtement 40 ans et que j'arrivais à me poser ces questions-là parce que j'avais l'âge que j'avais ou parce que cet événement m'était arrivé. Qui dit, après tout, que toutes ces questions que je me pose, je ne me laisserai pas poser de toute façon et... J'étais déjà aussi quelqu'un d'angoissé avant. Donc quelque part, ça a aussi exacerbé ce que j'étais avant aussi. Ça ne m'a pas transformée. Alors j'ai essayé quand même d'avancer dans la verbalisation et la prise de parole. J'ai écrit un livre de ce qui m'était arrivé, mais que je n'ai pas publié. Voilà, c'est tout moi là-dedans. C'est que j'ai réussi à écrire un truc que j'ai fait lire à certaines personnes dont je suis proche et qui m'ont toutes félicité pour la qualité de l'écriture. C'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup faire, mais je ne me suis pas permis de le diffuser, quoi, de le partager, même avec les moyens du bord, en l'éditant moi-même. Enfin, une fois de plus, j'en arrive à cette impasse de « mais qui es-tu pour embêter le reste du monde avec tes petits soucis ?» quoi. Alors, on a déménagé depuis, mais pas parce qu'on voulait quitter le quartier. Preuve en est, enfin, on habitait juste derrière le Bataclan, et là, on habite. On s'est rapproché finalement des autres terrasses, donc on est toujours resté dans cet environnement-là. Et je me demande si ça n'a pas été une erreur aussi, parce que on est resté dans ce décor et quelque part, je l'ai peut-être aussi un peu entretenu. Quelque part, il y a aussi quelque chose qui me rassure d'être dans ce décor-là. Voilà, c'est mes repères. Je veux dire, les premières fois où j'ai quitté Paris après l'attentat, c'est là que sont arrivés mes premiers cauchemars, en fait. Je n'avais pas eu de trouble du sommeil particulier. Et je quitte Paris et là, je me mets à rêver que les terroristes me poursuivent parce qu'ils disent « Celle-là, on l'a oubliée, il faut qu'on l'achève comme les autres. » Et ils viennent me tirer dessus dans mes rêves dès que je quitte ce décor. Donc oui, il faudrait peut-être que j'en parle à quelqu'un, je sais pas. Peut-être. Le fait que vous puissiez pas en parler à votre conjoint, c'est problématique ou pas? Alors je peux lui en parler, mais lui m'encourage à penser à autre chose, mais il n'est pas interdit d'en parler. Mais au final, c'est vrai que lui ne provoquant pas la conversation là-dessus, c'est pas forcément moi qui vais l'amener non plus. Et puis par réflexe aussi de dire, bah t'as vu, je gère, je me débrouille bien, ouais c'est bon, c'est derrière nous. Donc c'est pas que lui qui m'empêche d'en parler, c'est moi qui m'interdis toute seule d'en parler. Mais je comprends sa position aussi. Enfin, il me connaît bien aussi. C'est aussi parce qu'il me connaît bien et qu'il sait que je vais avoir tendance à me replier, à rester immobile, et qu'il pense qu'il faut m'encourager à aller voir ailleurs, penser à autre chose, ne pas avoir peur, essayer d'avoir moins peur. Je pense que c'est plus un évitement qu'une injonction. Il ne faut plus en parler. Sa tactique à lui, c'est d'essayer de faire en sorte que j'ai moins peur. Et vous, votre tactique, c'est quoi alors ? C'est de faire avec. Mais j'y pense tout le temps. Enfin, je prends le métro tous les jours, je scrute toute la rame. Quand je vais dans les musées, je repère les endroits où se cacher. C'est tout le temps. C'est une façon de faire avec. C'est d'accepter que la peur sera toujours là et qu'il faut donc apprendre à la maîtriser et à vivre avec. Alors, excepté votre conjoint, est-ce que vos amis, vos parents, votre famille vous conseillent d'aller voir, d'arrêter d'avoir peur, d'essayer de savoir ? Oui, ils essayent. Ils savent qu'ils parlent un peu dans le vide parce que, malgré leurs conseils, je mets rien en place. J'ai un peu de mal avec les psychiatres en particulier, mais ça, c'est plus pour une histoire personnelle. Puis il se trouve que celui que j'ai rencontré pour le coup dans ce cadre-là, vraiment, m'a pas réconcilié du tout avec la profession. Il m'a dit, vous avez beaucoup plus de chances de mourir d'un cancer du poumon parce que je suis fumeuse que de mourir dans un attentat, donc arrêtez d'avoir peur. J'ai dit, bon, ok, c'est peut-être pas le genre de propos dont j'avais besoin, mais... Quand on vous parle de syndrome post-traumatique, est-ce que vous pensez ça peut un jour apparaître comme quelque chose qui existe pour vous ? Je ne sais pas, j'ai pas de troubles physiologiques, je dors bien, je suis très angoissée, stressée, et ça aura certainement des répercussions à moyen ou long terme sur ma capacité physique. Ça peut déclencher d'autres troubles, mais j'ai rien constaté concrètement mesurable et identifiable. J'ai participé à quelques études et recherches là-dessus. Notamment, j'ai témoigné, c'était à Lina, on était filmé, on venait raconter l'événement. Et bizarrement, il y a une deuxième phase là qui a été réalisée cet été. J'ai été contactée pour, comme je m'y étais engagée à participer à cette deuxième phase, et j'en ai été incapable. Ça m'a coupé les jambes, j'étais incapable d'y retourner. Donc ça, est-ce que c'est un révélateur de quelque chose que je digère pas et qui ressort quand arrivent des marqueurs par rapport à mon parcours de résilience, je sais pas. Et puis j'avais aussi contacté une équipe qui fait des recherches à Caen avec IRM, enfin pour voir dans notre cerveau. Puis ça m'a fait peur en fait. J'avais pas envie de voir s'il y avait quelque chose chez moi, donc j'ai pas donné suite. J'ai pas envie de voir en fait. J'ai pas envie de savoir. Pourquoi ça provoque de la peur d'essayer de savoir Je ne sais pas. Et vous pensez que on est dans une société qui a finalement fait avec, qui s'est habituée à tout ça, avoir des militaires dans les écoles, des enfants qui font les PPMS, les exercices anti-intrusion dans les écoles, on s'habitue à tout ça? Non, moi je pense que c'est quand même une assez franche rigolade ces mesures de sécurité que vous évoquez là. J'ai jamais aussi peur que quand je croise un groupe de vigipirates, ils me mettent en danger en fait. Je me sens du coup en danger, donc je préférerais qu'ils soient pas là. Même chose dans... Pourquoi ? Ah bah parce que pour moi, ils cristallisent le danger, quoi. Ils attirent le danger à eux, ils sont provocants. C'est complètement inutile, disproportionné. Enfin voilà. Toutes les mesures dans le monde du travail, j'ai eu moi-même à faire des exercices d'intrusion, ont été très pénibles à vivre, évidemment, parce que ça ne s'apprend pas d'être victime de terrorisme. On agit tous selon nos propres moyens, comme on peut, le jour où ça se présente. C'est pas parce qu'on vous a dit qu'il fallait partir en courant que vous partiez en courant. Moi, je me suis cachée. De toute façon, votre corps reprend le contrôle, en fait. Le cerveau s'éteint et vous retrouvez des instincts, voilà. Vous contrôlez pas. Donc ça s'apprend pas et ça s'apprend pas dans les écoles. Ces exercices sont pour moi ridicules, odieux. Apprennent qu'une chose à nos enfants, c'est d'avoir peur, c'est tout. Donc c'est complètement contre-productif. C'est ridicule. Moi, je travaille dans une institution publique. Enfin, je suis amenée à me rendre très régulièrement dans des lieux publics. On est contrôlé de façon complètement aléatoire. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc autant arrêter ça et concentrer les moyens sur autre chose. La vraie source du problème, qui est l'éducation... l'intégration de ces personnes, voilà, pour éviter que ça se reproduise.